Elle est d'agate et de perles. Elle est de verre fumé, étrangement horizontale et si solennelle. On dirait que la sonate claire de lune a soudain croisé notre chemin. Une table, des bancs, comme dans un réfectoire. À la fenêtre, une énorme lune d'argent. Nous buvons du café et du vin noir. Nous rêvons de musique. Tout est bien. Une branche fleurit au-dessus du mur. C'était une douceur aiguë, peut-être une douceur qui ne reviendra pas. Nous avons trouvé un asile au pays de l'âpre vigne et des roses vivantes.